Et nous faisions, au mois de mai, au mois de juin, des expéditions nocturnes à travers cordons et allées, avec l'espoir, déçu toujours, de trouver, chasse merveilleuse, quelques rossignols agrippés. Donc certains soirs, avec Thésie, qui était une amie de mon âge, nous étant attardés au champ, il arriva que la lune se levait pendant que nous trouvions loin encore de la ville de la maison. « Écoute la cloche !» murmura Thésie. Trois coups, trois coups, trois coups, neuf coups. Hélas, Thésie, c'est la Gélus, et une bonne lieue de chemin. Grand-père doit se faire inquiet. Chut, la cloche ne tinte plus, mais un rossignol a chanté. L'entends-tu là-bas, sous l'autel? La vigne est verte de 8 jours. Il doit avoir les pattes prises. Alors, nous entrâmes dans la vigne, Thésie hardiment, moi ému, pour délivrer le rossignol. Je me rappelle encore de quelle force serrait ma main, la petite main de Thésie. Il y avait, en haut de la vigne, un cerisier. C'est là que le rossignol chantait, invisible au milieu de la verdure et des cerises. Alors nous-en, dis-je à Thésie, les agrippes rossignols n'ont guère l'habitude de pousser sur les cerisiers. Mais si, puisqu'un jet de la souche que l'on oublia de couper s'est entortillé dans les branches. Un léger bruit nous arrêta, qui n'était pas le chant du rossignol.